vous dit en pleurant qu'elle n'a pas cessé de vous aimer. Elle se tatoue le plan de la prison et va vous faire évader. Comme vous n'êtes pas dans une série télé, vous vous faites tous les deux coffrer. Et c'est dans tête à tête qu'on va vous électrocuter. Soudain, vous vous réveillez. C'était un vilain cauchemar. En fait, vous ne l'avez pas appelé. Vous serez pendu seul ce soir. Yeah! Woo! Voilà, c'est fini. Mais rendez-vous plage 14 pour une chanson bonus. Yeah!